Bonjour à tous et bonjour à toutes. C'est reparti pour une tranche de disco funk et quelle tranche avec la découverte du jour. Et si je vous dis Richard John Smith, il n'y a pas grand monde qui connaît, je suppose. Et le titre She's the Master of the Game non plus. Le morceau est sorti en 1983. L'artiste est originaire du Cap en Afrique du Sud et il a sorti environ une dizaine d'albums. Il a participé aussi à pas mal de groupes comme The Triangle ou Weekend. Pas grand chose de plus à dire si ce n'est que de bien déguster ce morceau. Master. Les 100 hits sont aujourd'hui consacrés à Kylie Minogue et son titre évocateur « Your Disco Needs You ». À ses débuts, la chanteuse australienne s'illustre avec des hits dance et R&B durant les années 80. Vers 2000-2001, elle fait un retour fracassant au sommet des hits en sortant deux albums hommage aux différentes sensibilités du disco. On y retrouve les influences de Chic, Barry White, Soul Soul Orchestra. Vous connaissez tous ces groupes, bien sûr. Your Disco Needs You n'est pas le plus gros hit, mais c'est celui qui célèbre mieux le disco. Des voix masculines à la Village People en entonnent un chant solennel presque militaire qui rappelle celui de Go West. Dans le clip, elle danse sur une piste de discothèque avec écrit derrière elle « Disco » en lettres lumineuses. On y voit aussi une armée de clones de Kylie Minogue tenant une canne à la Patrick Hernandez. Elle enchaînera une tournée triomphale avec cet album. Tout qui rappelle absolument les périodes disco. Bon allez, assez parlé, place à l'écoute. D'hier à aujourd'hui, tous les hits que vous aimez. On va s'attarder aux meilleurs albums funk et disco de tous les temps. On va passer en revue les titres de l'album de Funkadelic, One Nation Under a Groove. Alors, One Nation Under a Groove, c'est le 10e album du groupe, sorti en 1978. One Nation Under a Groove, c'est l'album le plus connu et le plus reconnu de ce groupe américain, et il est considéré comme l'un des meilleurs albums de tous les temps, et comme l'un des plus influents des années 70 aussi. Alors, il va mélanger le style funk, sinon il passerait pas ici, mais aussi rock, soul, rhythm and blues. Ce fut le premier sur lequel a joué le claviériste et compositeur Johnny Morrison. Alors, cet album marque aussi l'apogée de l'évolution du jeune Michael Hampton, qui est alors âgé de 22 ans. Alors, faut savoir qu'il a débuté, lui, avec Funkadelic à 17 ans, en succédant à Eddie Hazel au poste de guitariste. Alors, tout ça, c'est pour ceux qui connaissent et les fans absolus du groupe. Michael Hampton, il va maîtriser parfaitement son instrument durant cet album. Bon, je vous ai assez parlé de tout ça, on va écouter la chanson titre de l'album. Away out of our constriction, gonna be freaking up and down the hang up alleyway with the groove I only got. We shall all be moved, ready or not. Here we come, getting down on the one which we believe. Now. Le maxi va honorer un artiste qui n'est pas passé depuis longtemps. Il s'agit de Michael Narada Walden et j'ai choisi un extrait de l'album The Dance of Life, paru en 1979. Le titre, I'll Shoulda Loved Ya. Second album studio du chanteur qui joue de plusieurs instruments aussi durant l'enregistrement comme du piano ou des percussions par exemple. J'ai pas eu plus d'infos sur ce titre mais un son reconnaissable entre mille et c'est pour vous maintenant. Pour la pépite, direction Cheryl Lynn et son Keep It Hot de 1979. Paru sur le second album de la chanteuse intitulé In Love, ce dernier n'aura pas beaucoup percé dans les hits puisqu'il obtient une modeste 167e place dans les charts US. Bon, après, c'est sûr que de passer après Got To Be Real, ben, c'est pas du tout évident. Hein. Le morceau fleure bon le funk et c'est pourquoi je vous le propose aujourd'hui. C'était en 1979, et ça donnait ça. Nous voici au terme de notre émission. Alors, je vais vous donner rendez-vous la semaine prochaine, pour une fois n'est pas coutume, en direct live pour les 40 ans de Fadjet, pour leur anniversaire. Je serai présent à 19h pour votre émission un peu particulière de Dr Disco et Mr Funk. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine pour ce grand événement. Bye bye.